Ouais. Moi, ça, c'est pour toi, ça, ça m'étonnerait. C'est de qui, ça, à ton avis? C'est de, du chef. Exactement. Mmh. Donc, j'ai acheté du. Tu regardes la marque? Non, bon, voilà. Bah, regarde quand même. T'en es de la marque, à mon con. Création. Bah ouais, Paris. Paris Création, c'est mieux que Calvin Klein, ça. Oh là là, le t-shirt de ouf. Moi, bah, je le. Non, non, il est bien, il est bien, il est bien. C'est quoi comme marque? C'est un Burberry. Un quoi? Un Burberry. Mais non, c'est de c'est l'Antarctique. Et ça? Et ça, c'est quoi comme marque? Ça. Dis en direct. Gentil mille. Cent mille. Non, gentil mille. Toi, t'es gentil mille. 100 000. Espèce. Voilà. C'est quoi ça? C'est une marque 100 000. Alors ça, ça, c'est un petit, ça me dirige perso ça. Parce que je me suis dit, on va pas se voir pendant tout l'été. Toi, tu risques de partir sur les plages et tout, t'éclater. Peut-être que tu fais une tournée des plages. Il va à la boule. Donc, il va la mer de sable, hein, c'est tout. Tu vas peut-être partir à la boule pendant tout l'été. À la boule, hein, génial, ils font les travaux. Non, on va aller au Mont-Saint-Michel. Ouais, voilà. Bien. Ça, c'est vas-y, bien. C'est pas pollué là-bas. Alors, comme tu seras au Mont-Saint-Michel, je me suis dit, je vais t'offrir une petite manche de surf. Pour que tu puisses mettre autour du cou. Oui, j'espère ouais. Que ça te fait plaisir. Bah ouais. Voilà. Je te remercie. Il n'y a pas de problème, ça me vient du cœur. Et là, le gros cadeau, c'est Fesse de Babouin qui a envoyé ça. Ça, c'est la lettre qui va avec, ça. Ouais. On le lira peut-être après. Alors, ouvre le cadeau quand même. Bah ouvre. La part de Fesse de Babouin. Déjà, ça fait moins rire Gérard, déjà, Fesse de Babouin. En tout cas, t'as mis un beau paquet cadeau, hein, ouais. Parce qu'il est vraiment plein de couleurs. Putain, une boîte Adidas. Attention, Noël, tu connais. C'est des pompes Adidas, non? Alors, Adidas, comme mon frère, Noël, t'es là? Ouais. Non, ouais, t'es là, excuse-nous, hein, mais on commente avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a un t-shirt déjà. Alors, ouvre le t-shirt, qu'est-ce qu'il y a dans le t-shirt? Voilà. Alors, t-shirt blanc, Noël. Ouais. Et derrière, il y a une petite inscription, il y a quelque chose. Vas-y. Radio Gérard. Ah, c'est, non, ça, on n'en parle plus de ça. Ça, c'est fini. On n'en parle plus, ça a disparu. On parle plus de ce site. Non, mais ça a été retiré. D'ailleurs, c'est vrai, on n'en parle plus de ce site, c'est disparu. Ensuite. Une télécommande de télé, je sais pas pourquoi. C'est dedans. Télé. C'est peut-être dedans. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a dedans encore, Gérard? Un truc de poignée. Une poignée de porte, ça c'est bien ça pour ça. Ta cave. Ah, du pain carrément, donc, vas-y. Il est fun. Vas-y, oh, une brosse à dents, bah, attends. Elle a très peu servi, Marc, sur la lettre. Et quoi encore? Détergent de cafetière. Ah, bien, ça bien. Attends. Un truc de Gang Boy. De Game Boy, d'accord. Gang Boy, de Gang Bang. T'as Gang Bang. Un porte-clés comédie, je pense que ouais. Ouais, c'est quand même bon. Pas mal, c'est du beau cadeau tout ça. Ah, c'est pas foutu de ta gueule, hein. Ah ouais, des comédies, c'est hoche, hein. Qu'est-ce qu'il y a, un jeu Game Boy quoi, ça, samedi 27 mai, c'est déjà passé. C'est il y a une place pour aller voir Titeuf. C'était un truc de je sais pas quoi. Bah, ça, c'est passé, déjà passé. C'est déjà ce qui compte. Hein. Un CD pour se connecter à Internet. Ouais. De chez toi. De chez toi. J'en ai pas besoin. Attends, c'est un CDO là quand même. Ah ouais. C'est quoi ça, Monsieur Brut? Bah oui, ça tombe. Non, Monsieur Bruit. Oh, ouais. Oh là là, ouais. C'est un truc de dessin animé, je vais passer l'âge. Hein. D'accord, qu'est-ce que même. T'as un pins Kinder Bueno là, quand même. Et Allo Miss Salade. N'importe quoi. Papier de. Papier. T'as un petit chien, une petite statue de chien aussi. Ouais, du papier d'Arménie, c'est bon ça. Alors, 20 balles, 10 balles. C'est marrant, c'est bien. Un beau co-perdant. Un millionnaire, pareil. Perdant, bah dis donc, mais garde-les quand même, hein. T'as des trucs qui viennent du parc Astérix aussi, des sesterces. Alors, des chions, hop là. Mais non, mais c'est bon parce que si tu veux boire de la cervoise quand même. Oh. Et puis ça, c'est quoi ça, ah, c'est des docs pour commander à bouffer. Et Gérard, tu sais, là, Nolwenn, ouais. il a reçu des esters. Donc, c'est pour. Si un jour tu vas dans un café, tu vas à la NPE, là, au café à NPE, tu demandes une petite cervoise ou un petit peu, ou tu demandes juste ne serait-ce qu'une aile de. Je sais pas, de sanglier. Et bah non, tu peux pas avec ça. Mais attends, alors lis le courrier, on va le lire, non? C'est quoi dedans? Oui, mais en fait, il dit tout ce qu'il y a. Ouais, mais à quoi, des petits commentaires. Ouais, des petits commentaires. Mais ça sert à quoi? Il dit rien de bien méchant. Non, il dit Gérard, bon anniversaire, tout ça, tu peux lire. Hein. Ah, c'est gentil quand même. En deux mots, vas-y, lis. Ça dit quoi, Gérard? Non, c'est long à lire tout non, ça. Non, mais juste le début. Tu lis le début, après. L'intro. Voilà, tu lis ça. Vas-y, lis l'intro. Laisse-moi tout d'abord te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu recevras cette lettre quelques jours après celui-ci. Mais sache que toutes mes pensées allaient vers toi samedi pour ton happy birthday. Je suis autant plus heureux que pour toi et que la santé semble être là et cela meilleur. Voilà. Et ben voilà, je pense que là, de nouveau, vous êtes devenus amis. Oh non. Avec Fesse de Babouin. Non, non, non. Non, pas encore, non. On attendra. Non, mais on attendra l'anniversaire de l'année prochaine pour essayer de recoller les morceaux entre Gérard et Fesses de Babouin. Quoi ? Oui ? Non, je disais, en tout cas, c'est quand même le seul tous les ans qui t'envoie un gros paquet avec plein de trucs dedans. Non, c'est pas tous les ans, c'est la première année. Ah, non, l'année dernière, il avait déjà envoyé. Hein. À mon avis, Fesses de Babouin est en train de déménager, il fait son grenier, il se débarrasse de plein de choses plutôt que de mettre tout ça dans un sac. Tu me prends ça, tu mets un bon vieux bout de chocolat là-dedans, t'as plus de chicot, c'est obligé. De toute manière, ça va dans direction là. Bah non, pas dans mon carton, il faut se bander. Ah, tu gardes ça ? Attends, c'est le meilleur du pain, c'est le crouton. Ça lui fait une chaussure. Mais ouais, mais ça, je vais mettre ça dedans, comme ça, je serai tranquille. Voilà. Non, ouais, alors on essaie dans un instant de refaire le kiki donc à ta grand-mère Maria. Ouais. C'est premier, on vient avec toi. Et on aura également Réa, 18 ans de Paris. Bonsoir Réa. Salut, ça va ? Salut. Bah, bien, et toi ? Ouais, tranquille. Ouais. Ça me fait plaisir de t'avoir. Ouais, moi aussi. Hein. Super, tu vas bien ? Ah, tranquille, ouais. Très bien, on parlera de quoi ? Bah, alors, ce qui se passe, c'est que, bon, comme tu dois savoir, le bac a commencé depuis une semaine. Oui, j'ai cru en entendre parler, oui. Voilà, et donc demain, on a les épreuves d'économie, donc les plus dures. Et si c'était possible d'appeler des petits marabouts pour avoir les sujets. Bah, on va pas avoir un bout. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, j'ai regardé en allant chercher un café tout à l'heure à la machine à café, quoi. Ouais. Normalement, là-bas, dans la machine à café, on y voit beaucoup de café. Mm-hmm. J'ai vu comme quoi il y avait apparemment une annonce, un marabout qui était disponible. Tiens, je peux voir le document. Je vais te le dire quand même, le track, comme dirait Gérard. Alors, le petit track sur lequel il y a marqué, donc c'est Charles, hein, le grand génie à vous. Mm-hmm. Alors, vous qui souffrez, vous qui avez un problème à résoudre, une extrême urgence, ou qui souhaitez connaître votre avenir proche, contactez tout de suite Monsieur Charles, guérisseur, qui a le don de résoudre vos problèmes les plus désespérés. Amour, chance, ouais. Argent, travail, réussite, concours, santé, retour de l'être aimé, ou alors échec en amour. Réussite à 100 000% en 48 heures. 100 000%, ouais. Ah, carrément. Ça marche 7 jours sur 7, de 9h à 21h. Il est dans le 18e arrondissement à Paris. Premier étage à droite. Prise de rendez-vous par téléphone. On a son numéro. À très bientôt. Bah écoute, ça tombe plutôt bien. C'est le qu'il nous faut, ouais. Je te jure que je voulais l'appeler comme ça pour le fun. On l'appellera tout à l'heure en direct. D'accord ? Ok, gars. Oui. Non, mais j'ai encore. On a reçu des trucs en fait encore cette semaine, c'est une honte. Alors je sais pas, je vais pas les lire moi parce que franchement moi je cautionne pas, mais il faut en parler comme d'habitude, Gérard, tu sais, par rapport aux avocats qui sont venus. Ah oui, au fait, mes avocats vont passer tout à l'heure dans la nuit, Gérard, et il y a une bonne nouvelle pour toi. Apparemment ils ont réussi à remettre la main sur l'adresse de 2-3 auditeurs qui s'amusent à envoyer du courrier, donc ils vont être très mal barrés comme ceux qui ont envoyé du courrier dernièrement. Justement, c'est justement la même personne qui avait envoyé le courrier enfin la dernière fois que les avocats qui a récidivé. Je sais. Donc, il ne sait pas qu'il est mal. Donc il faudrait que, à mon avis, les avocats écoutent. Donc il faudrait que peut-être ils écoutent. Il faut que tu le lises. Ils écoutent. Rapidement, si tu pouvais. Parce qu'après, on a des cadeaux. Je te dis que je n'irai pas des saloperies comme ça. Non, c'est pour les avocats. Si tu n'en parles pas, il n'y a pas de preuve. C'est pour les avocats. Ce n'est pas la peine. Non, mais Gérard, si tu ne le lis pas. Ça, déjà. Il n'y a pas de preuve. Ça, c'est quoi ça ? Ça. C'est Pitbull. Ça. Alors, mais vite, mais faut le dire, dépêche-toi. Mais si tu l'as enregistré. Alors, avant. Attends, mets de la lumière, s'il te plaît, Manu. Parce que. Avant son départ. Attends, je vois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, une preuve, c'est bon, ça enregistre pas. Non. Mais quoi ? Lis, mais c'est important. Ah là là. Il comprend pas que c'est une preuve juridique. Avant son départ définitif de Fun Radio, Gérard organisera en partenaire avec l'Amicale du Foyer, qui pue, bien sûr, pourquoi pas, une grande course de... Quoi, de pit... De pitbull autour du foyer machin de Nanterre. Ça d'accotera. T'as besoin de le dire. Mais ça existe, non, mais ça existe. Mais non, mais je croyais que ça n'existait pas. Mais arrête, Gérard, je croyais que ça n'existait pas. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je te dis, tu vas pas me casser les couilles, toi. Non, mais excuse-moi. Gazeuse. Il a mis une bombe à crimo. Non, non, c'est pas de la bombe. C'est quoi? C'est du parfum Bic. T'inquiète pas, Sœur, tu y as le droit. D'accord. Hein? Du parfum Bic en plein. Excuse-moi, je vous apprendrez les meilleurs. Les meilleurs clébards du bâtard. Alors celui, de manière bon, c'est. Vas-y, finis, tu vois ce que je veux dire après. Alors, au programme, le derby des poids lourds avec en pole position. Sandy Dalmatien, pourquoi pas elle, bien sûr, et Sandy a commencé à en avoir marre. L'enduro des salopes avec Carole et Christine au départ, bien sûr. Surtout que je suis... ça par contre, non. Quoi? La 3, je le dirai pas. C'est quoi? Non. Je suis désolé, ça je le dirai pas. ça regarde pas les gens. Ah, t'as raison. Tous les Lascars des cités alentours sont invités. Il y a de nombreux lots à gagner. Donc un prix, un authentique morceau de rouleau. Non, de rotule. De rotule chromé à ronger, bien sûr. Et ça te fait rire, mais connard. Non. Mais non. Arrête. Mais non, ça fait pas rire. Hey, Je te jure, le prochain coup, c'est lui que tu prends dans ta gueule. Putain, le portable. D'accord. Alors fais gaffe. Ouais. Parce que tu vas pas me faire chier ce soir, toi. Ah non, le dernier débat de Gérard, il l'a dit à Rigaud, il veut 10 000 connectés sur Internet. Il y aura. Deuxième prix, une collection complète d'agrafes en titane pour une patte folle, bien sûr, pourquoi pas. Et en lot, une consolation pour les perdants des quoi? De quoi? Je sais pas. Le mec, il sait écrire sur un truc ou quoi? Où ça? Là. Des quéquettes en mousse et des bites en plastique offertes par le club, des grosses joyeuses. Bon. Des jouisseuses en break. Ouais, bah t'as besoin de bière en break, espèce de connard. Eh putain, mais t'es vraiment un PD, toi. T'es vraiment une pute pas finie, hein. Je crois qu'il est temps que tu t'arrêtes Fun Radio. Exactement. Parce que ça t'a... Ouais. Alors, pour plus d'informations, téléphonez à la mairie de Nanterre et demandez... Quoi même demandez Gina... Jamais sonne, je sais pourquoi. Bon, bref. Alors, encore des conneries. Hein. D'accord. Il y a la suite. Hein. Non, mais c'est... Vini, tu vois, attends, j'enregistre. C'est bon, ça tourne. Alors, bonne partie, attention à la fin de renouveler en son stock d'os et de prothèses en marbre, Gérard, bien sûr. Le croque-mort des hospices, pourquoi pas. Organise pour le 14 juillet une grande bonne partie au cimetière de Nanterre, bien sûr, pourquoi. N'importe quoi, c'est pas... Ça sera pas lui à l'antenne. Parce que ça, de toute manière, je l'ai gardé, je vais donner ça à son père. Vous allez voir comment ça va faire. Là, je vais te dire une chose, que le mec qui a fait ça... Fais-moi confiance que le mec, il va morfler. Hein. Grave. Parce que là, je vais faire des photocopies et je vais donner ça à son père. Et là, on va rigoler. Bah, moi, j'y peux rien. Ça, c'est moi qui vous le dis aussi. Moi, je récupère ça, donc. Ouais, ouais. Quoi d'autre? Vas-y. Venez nombreux avec vos pelles et vos pioches d'enterrer. Déterrer les morts Passe à autre chose, n'importe quoi ça. Donc ça c'est même plus la peine. C'est pas la peine ça les gars. Donc voilà. J'avais pas vu, hein, j'ai pas lu. Ouais non mais. Et là, c'est un autre document. Alors vas-y, tiens, vas-y. Quand j'écoute bien j'enregistre. C'est une invitation. Non, l'idiot, comment ça. Alors, l'homme qui valait 3 euros, pourquoi pas. À l'occasion de la sortie de son nouveau film, L'homme qui valait 3 euros, Gérard Fuzin, le Cibroc de Nanterre, organise une protection privée le 1er juillet 2000 dans les salles de fête de l'hôpital de Nanterre, bien sûr. Grâce à cette invitation, vous aurez droit à un accès gratuit et illimité à tous les foyers de Nanterre, à cette magnifique projection de film, suivie d'un débat qui portera sur les problèmes d'application des prothèses bioniques sur les malades mentaux et grosses viandes faisant des pourquoi. Arrête, c'est bon. Hop. Tout ça va être en photocopie, je donne ça à son père. Tu vas voir. Et parce que là, il y a le nom de famille que j'ai effacé, et là, ils remettent le nom de famille de son père. Alors là, on va s'amuser. On va s'amuser, parce que mes avocats qui sont venus la dernière fois, Gérard, écoutent, et crois-moi. C'est clair. Et pour finir, Manu, quand même, on avait reçu un petit cadeau pour toi, pour ton anniversaire. Donc, on te l'offre. T'inquiète pas, hein. Je l'avais déjà vu. Hein. Ça, tu peux te carrer dans le cul. Donc, t'as reçu une jambe, une prothèse. Tu peux te carrer dans le cul. Une jambe. Ouais, bah, Gérard vient de recevoir par un auditeur une jambe, en fin de compte, de mannequin. Vous savez qu'on retrouve dans les... prises uniques, tout ça, là. Ouais, voilà. Enfin, dans les... Vitrines. Dans les vitrines de prises uniques. Tu la veux sur la gueule, celle-là? Blanche. Mets la nouvelle. Tu la veux sur la gueule, celle-là? Tu veux courir plus vite avec celle-là? Ouais, mais toi. T'en veux peut-être un coup de dessus, toi. C'est bon. Parce que là, tu vois, ça va mal se terminer pour ton matricule. C'est la fin du courrier de ce soir. Bah oui, je crois que c'est bon. Hein. C'est bon. C'est la limite. Dans un instant, le débat de Gérard. Attention, le dernier de la saison, le dernier de l'année, peut-être le dernier de sa vie. Il est en train de rentrer sa prothèse. Il est en train de la ranger. Bravo, elle se casse la gueule. Ah, reste tout calé. Et Gérard, donc, un débat qui porte sur la jet set et sur le monde des milliardaires et des millionnaires. On est bien d'accord? Ouais, tout à fait.